Retrouvez Marc-André Lavoy, notre passionné de lettres, tous les dimanches à 18h30 pour son émission Les Comptes à Rendre. Et c'est sur Radio Impact.